the Folk. C'est fou. 89.1. Cette semaine, au Mathieu Plancheau. Dans Télévision, Télévision, ABC redémarre The Muppet Show après 19 ans d'inactivité. Secret du Mathieu Plancheau, le rôle de notre chroniqueur Samuel Girard est joué par une marionnette. Dans Segment Geek Series, les ordinateurs bientôt capables de transmettre la personnalité humaine. Est-ce que ça va être capable de donner une personnalité à ceux qui en ont pas? Et dans Merci Science, manger trop de gras favoriserait les troubles psychiatriques. Traitez-moi de fou. Le Mathieu Plancheau commence tout de suite. Celui qui n'est pas une marionnette, mais qui a toujours une main dans... Non, qui a écrit ce gag-là? Que c'est Samuel, je pense, la marionnette. Ouais, Mathieu Plante. Bonjour et bienvenue au Mathieu Plante Show avec Mathieu Plante. Je m'appelle Mathieu Plante. Aujourd'hui, dans l'émission de la semaine du 6 avril 2015, la chronique individuelle Television Television, le segment Geek CNX, C'est un fait, Tech Edition et la chronique de sciences, technologie et médecine, Merci Science. On va aussi continuer, en fait, terminer notre série musicale sur Earthworm Jim. Groovy 20th Anniversary Tribute to Earthworm Jim. Ça s'en vient plus tard dans l'émission. Mais pour commencer, c'est la chronique sur les jeux vidéo rétro avec mon collaborateur Souffre-Douleur aujourd'hui. Je sais pas pourquoi j'avais envie de l'intégrer dans l'intro de l'émission. Voici Samuel Girard. J'ai peur. C'est quoi ça? À défaut de m'avoir intégré dans ton intro, ben moi, ouais. J'ai ma revanche là. C'est pas mal de réussi. C'est Chipmunk, mais en pire. C'est l'intro de Yoshi's Story au Nintendo 64. Ah, c'est vrai. Je l'ai acheté, ce jeu-là, et j'ai jamais réussi à jouer plus que deux tableaux. Je trouvais pas ça le fun. Ben, c'est pas super plaisant comme jeu, honnêtement, mais... honnêtement, la fois que j'ai joué, je pense que j'ai passé une demi-heure sur l'intro à laisser jouer ça en boucle, puis après ça, j'ai joué 15 minutes au jeu. C'est pas grave. Pas sûr, mais bon. Alors, ouais. C'est un choix que t'as fait, puis je... Ouais, parle pas ton micro. Non, c'est ça, ça va. J'ai chaud quand je commence l'émission, je parle trop en même temps. Je fais trop de blagues sur toi, des blagues de marionnettes puis de mains dans les fesses. Et non. Ouais, ben en tout cas, je suis content qu'au moins t'aies dit que j'étais une marionnette, donc je suis pas celui qui a une main dans les fesses. Non, c'est ça, non. Je laisse ça l'avouer toi-même. Oh. J'avoue mes torts, mais tiens, je te laisse les avouer tout seul. Uh-huh. Donc, Samuel Girard, c'est la chronique sur les jeux rétro qu'on fait chaque deux semaines. Oui. Oh, oui, tu vois, c'est ça. Je me suis dit, je vais mettre du Yoshi's Story. Pourquoi pas? On va réécouter. Pourquoi pas? Yeah. Donc, de quoi est-ce qu'on parle aujourd'hui, Samuel? Ben, spécial Pâques. Ah, Pâques. On vient d'un beau long congé de Pâques. Alors, je me suis dit, tiens, pourquoi ne pas faire quelques bonnes références à Pâques? Là, j'avais le choix. J'avais deux possibilités. J'avais le choix de parler de jeux très sérieux, historiques, des histoires de croisades, de résurrection, toutes sortes de choses qui suivent très bien le cours de l'histoire et qui peuvent être très éducatif, où je pouvais juste faire des références à des cocos, des poussins, puis des choses pas mal comiques comme des lapins. Ça, j'aime ça. C'est ce que j'ai choisi. Ah, qu'est-ce... Ah! Tu gagnes mon cœur à chaque fois qu'on se rencontre. Non, mais... Parce que... Tu t'attendais à quoi? Ben, je sais pas. T'sais, je laisse le bénéfice du doute. OK, ben c'est ça. Donc, c'est deux manières d'approcher le sujet. Alors, en fait, est-ce que t'es capable très rapidement de t'imaginer des jeux où les œufs ont un rôle important? Des cocos. Ben, c'est sûr que... Là, tu me parles de Yoshi, c'est sûr que c'est les jeux que je connais plus. Okay? Ouais, mais c'est ça. Au-delà de ça, mettons, des œufs. Ah, dans Mario 2, Birdo lance des œufs. Je l'ai sur ma feuille. Ah, yeah. Donc, ça, c'est bien. Donc, dans Super Mario Bros. 2, au NES, Birdo, faut attraper les œufs qu'il nous lance et il lui lance au visage. Exact. Docteur Eggman dans la série des Sonic. Un autre que j'ai sur ma feuille aussi. Hey, t'étais bon! Je t'ai même pas dit le sujet. Jamais. Parce que Hey, c'est super. On garde des surprises. Oui, toi, donc Dr. Eggman. Et en plus de ça aussi, si vous jouez à Sonic Adventure, il y a des animaux virtuels qui s'appellent des K.O. OK. Donc, eux autres, ils proviennent de des œufs. Mm-hmm. Donc, ça aussi, c'est quelque chose qui revient souvent de ce côté-là. Donc, on parlait de Yoshi's Story, Super Mario World avec Yoshi. Donc, oui. le thème des œufs est récurrent. J'ai noté aussi Diddy Kong Racing. Ah, c'est vrai. Il y a des œufs là-dedans. Ben, c'est vraiment oui. ça comme c'était pour ton argent. Non, c'est un des jeux. Faut attraper des œufs et les amener dans un nid. C'est vrai, c'est ça. Et quand ils sont un certain temps dans le nid, ben là, il éclos. Ouais. Et c'est quand t'en as trois, tu gagnes. Ouais. Sinon, là où les œufs sont importants aussi, j'ai noté Digimon. OK. Ils commencent dans des œufs, des Digi-Egg. OK. Ouais, donc c'est ça. Donc les jeux de Digimon que j'ai pas vraiment joué dans ma vie. Je sais pas pourquoi. Les jeux de Pokémon, j'ai essayé. Mais on dirait que Digimon, ça m'a jamais... C'est le même principe, non? Ouais, mais en tout cas, quand, à un moment donné, quand tu veux de moins en moins copier Pokémon, tu t'éloignes d'une formule gagnante. Okay, ouais. Donc, Pokémon aussi, tant qu'à y être. Mm-hmm. Donc, tous les Pokémon commencent comme étant des œufs. Mm-hmm. Éventuellement, l'œuf éclos et là, il y a un beau bébé Pokémon qui apparaît. Chansey a toujours son œuf en avant. Si tu te rappelles, Chansey, c'est... je sais pas si t'écoutais la série un peu. Ah, ça fait trop longtemps. OK, l'assistante de l'infirmière. OK. Ouais. Donc, Nurse Joy, okay. Elle a toujours un Chansey avec elle. OK. Okay. Ouais. Donc, c'est ça. Et Chansey a toujours un œuf. On peut parler aussi de un des objets les plus convoités dans les jeux, le Lucky Egg. Okay. Donc, Lucky Egg, quand que tu donnes ça à un Pokémon, ben, toute l'expérience que tu as dans les combats, ça fait x 1.5. OK. Donc, quand même intéressant quand que on sait que des fois dans les jeux RPG, c'est long monté de niveau. Hmm. Quand tu as cet objet-là, ça va plus vite. 1.5, il me semble que c'est arbitraire comme. C'est de la. Ben. Ouais. Deux fois plus, il me semble. 1.5, je trouve ça plat. Tu trouves pas ça rond? Moi, j'ai mon toc d'affaires rondes. Faut pas que t'avantages trop le joueur, là. Ben non. Parce qu'un joueur qui fait 2000 d'expérience après un combat en fait 3000 avec cet objet-là, c'est non négligeable. Puis j'avoue qu'un 9, c'est pas un chiffre rond, c'est un chiffre ovale parce que c'est un 9. Ben voilà! 9, c'est pas 9, c'est pas 10. Les deux marchent. C'est ça. Donc, les œufs, c'est quelque chose qu'on va retrouver dans beaucoup de jeux. Okay, okay? Là, j'en ai juste sorti quelques exemples comme ça pour qu'on s'amuse un petit peu. Okay. C'est ça. Et là, j'ai essayé de pousser plus loin. Je dis, OK, mais est-ce que... C'est comme une poule qui... Oh. couvre son sujet comme tu fais ça. Hey, on pourrait essayer de faire un... tu sais, les phrases difficiles à prononcer. Là, je suis sûr qu'avec pousser un poussin, on pourrait se mêler un moment donné. Ouais. Avec une phrase comme ça, là, mais ça en tout cas, je ne veux pas... mots inappropriés. Ouais, non, je ne veux pas embarquer là-dedans. Donc ça, j'ai essayé de regarder. Est-ce qu'il y a des jeux qui ont vraiment des thématiques sur les œufs? Ouais. OK. C'est là que c'est devenu intéressant. OK, j'en ai trouvé 5. Ça va aller mieux si je sais combien j'en ai. Le premier jeu que j'ai, tu vas adorer le titre, c'est Egg Mania Extreme Madness, mais Extreme avec Egg. Ah, ils ont ambitionné, là. Ouais, un petit jeu de mots. Donc, un jeu qui est sorti en 2002 au Xbox, PlayStation 2, GameCube et Game Boy Advance. Au donc... Xbox? Oui. Ben oui. Non, Eggs. Oh. J'essayais d'aller plus loin encore. Hey, je l'ai même pas entendu de même au début. J'ai vu ça. Merci, Mathieu. Faut que j'explique mes blagues et que j'en ris moi-même. Ouais, comme ce matin aussi dans Sablage Rocky, il a fallu que t'en expliques une aussi. Oh, c'est tout le temps la même affaire, ces gags-là. C'est tellement mauvais, cette émission-là, hein? Ça se peut-tu? Ben, en tout cas, moi j'ai trouvé ça très drôle le matin. Fin. Surtout quand t'essayes d'expliquer une des blagues que t'as faites. Rappelle-moi pas ces souvenirs-là. Ouais, c'est ça. Donc, c'est quoi ce jeu-là? C'est un peu comme comme Tetris. OK. Un puzzle, donc. Ouais, c'est ça. Ouais. Donc, on a des boîtes qui sont lancées à notre personnage œuf. OK. On joue à œuf. Ouais. Ouais, c'est ça. Et sur la boîte, il y a le symbole de ta pièce va ressembler à quoi? OK. Donc, des pièces de Tetris. Et là, t'attrapes la boîte et là, la pièce apparaît et après ça, tu la déposes où tu veux qu'elle soit. OK. T'as de l'eau qui monte et le but, évidemment, c'est de... Faut pas que tu fasses disparaître des lignes comme dans Tetris. Il faut que tu bâtisses une structure qui tient, ouais. OK, pour échapper à l'eau, mais il faut que tu rattrapes l'engin qui te jette les boîtes. Ah. Un moment donné, le premier qui réussit à s'accrocher après... l'emporte. Évidemment, cool. Il y en a qui disent ben, « On va tout mettre ça en ligne pour monter. » Non, non. Si ça tient pas bien, ça va tomber. Il y a un aspect physique un peu. Ça peut être branlé. C'est ça. Donc, en gros, c'est ça un peu l'histoire du jeu. Là. Il y a différents niveaux. Tu as différentes difficultés. Il y a des variantes au jeu. J'ai jamais joué. C'est mon genre, ça, il me semble, de jouer à ça, je trouve. Ben, tu peux l'essayer. En tout cas, je trouve que c'est des beaux. C'est des puzzles. C'est du casse-tête très intéressant. Un jeu classique qui passe le temps entre deux autres affaires. Là. Ouais, c'est ça. Donc, c'est ça. Donc, si t'as un GameCube, tu peux essayer. Puis, est pas cher. Ouais. Je l'ai trouvé. J'ai acheté un Xbox juste pour ça maintenant. Non, j'ai un GameCube, t'as raison, c'est ça. Bon, il disparaît toutes les consoles, là. Casse-toi pas la tête. Non, mais non. Non. Le prochain jeu que j'ai, c'est Eggs of Steel. OK. OK. Donc, c'est un travailleur d'usine dont sa seule tâche, c'est de s'assurer que. En fait, il travaille devant un panneau de contrôle. Ouais. OK. Et le but, c'est qu'il faut pas que l'équipement démarre. Donc, tout ce que tu as à faire, c'est protéger le bouton démarrage pour que personne puisse toucher à ça. OK? Et là, le jeu commence que finalement, l'employé, qui c'est un œuf, mm-hmm. on s'entend. Donc, lui, il est ben gaffeur et finalement, en lançant des avions en papier, trouve le moyen de gaffer, de renverser son café sur la console et ça fait tout activer le système de l'usine. Imbécile, hein? Ouais, c'est ouais. ça. Donc, c'est la compagnie Mom Steel Company. Et donc, c'est ça. Et évidemment, faut pas que son patron s'en rende compte de son erreur. Et là, lui, il sait qu'il y a un bouton d'arrêt d'urgence à l'autre bout de l'usine. Ouais. Donc, c'est 43 niveaux qu'il faut traverser pour atteindre le bouton. C'est n'importe quoi. C'est au PlayStation 1998. Cool. C'est vraiment n'importe quoi. J'ai eu ça, les idées comme ça. Ouais, donc Eggs of Steel. Eh ben. Ouais, le prochain jeu, Billy Hatcher and the Giant Egg. Oui, j'ai entendu parler de ça. Ok, ce ça, tu connais ça. Ça a l'air cool, oui. Je le connais pas plus qu'il faut, mais okay, c'est. Ok, mais l'histoire est bizarre. Okay. C'est une cité de poules et de poussins qui se fait attaquer par une armée de. C'est quoi, c'est des corbeaux. Okay. Des gros corbeaux noirs méchants. Des Cheryl Crow. Ouais, c'est ça. Donc, c'est ça. Donc, évidemment, ils se font attaquer. Et là, change de dimension, arrive dans un autre monde. Et là, il y a un jeune enfant qui est après jouer avec ses amis dans le parc. Et là, le petit poussin sort de l'autre dimension, mais il y a des corbeaux qui l'ont suivi. Et là, les corbeaux arrivent pour l'attaquer. Et le petit garçon lui prend un bâton de bois et commence à frapper les corbeaux. Et là, évidemment, tout le village voit le courage de ce jeune homme et décide de le transporter. J'ai le nom de la. À Morning Land. OK. OK. Et là, évidemment, c'est là que la quête commence. Et c'est tout. Tu ramasses des œufs. Et puis là, le premier œuf que j'ai vu qu'il ramassait, ça lui donne un habit de poule qui le protège contre les mauvaises choses qui peuvent arriver dans le monde. En tout cas, c'est un habit de poule. Oui, c'est ça. Ouais. Je me dis, me semble avoir un costume de poule, ça me protégerait pas de grand chose. Même que ça me rendrait plus vulnérable d'insultes et de moqueries des gens. Je pense que oui. Oui, je pense que oui. Surtout si ton drink d'énergie, genre pour accompagner ça, pour amorcer de la santé, ça doit être du lait de poule aussi, j'imagine. Oh! Sûrement, ça c'est. Wow! Donc, c'est ça. Ben, le jeu a de l'air intéressant. Ouais. C'est un jeu d'aventure, donc tout le temps de progresser dans le jeu. Ça, je trouve ça a de l'air intéressant. L'histoire est un peu étrange, mais sinon. On aime ça. C'est plus original que Sauver la princesse. Oui, si on veut. Ouais. Mais ça battra pas l'histoire originale de Mario qui sauve une princesse. Ouais, c'est ça. Ouais. Ensuite, il y a un jeu au Dreamcast, c'est Element Gimmick Gear. Et sur la pochette, ils se sont amusés à juste écrire l'abréviation du jeu, c'est-à-dire EGG. Ah, ben ouais. Donc, tu prends le jeu, c'est un jeu très réaliste, avec des personnages réels et belle aventure avec des combats d'épées, ces choses-là. Mais quand tu prends la pochette, c'est écrit en gros egg dessus. Ouais. Super chouette. Vraiment? Et le dernier jeu, et ça, je sais pas si tu sais que ça existait, mais ça s'appelle Easter Bunny's Big Day. Non. En 2003 au PlayStation. Donc, c'est tout simplement le lapin de Pâques qui n'a pas assez d'œufs en chocolat pour pouvoir donner des cadeaux à tous les enfants et les gens qui méritent du chocolat. Alors, il faut l'aider en complétant des mini-jeux et des casse-têtes pour lui permettre de trouver plus d'œufs au chocolat. Ben, c'est pas fou. Donc, c'est pas fou. Hein. C'est un super-héros en devenir, peut-être, le lapin de Pâques. Ben, peut-être. Il a pas été vu dans bien des affaires. Sa page sur IMDb ne doit pas être bien remplie. Là. Effectivement. Contrairement au Père Noël, puis il a fait des dents, tu sais. C'est vrai. Ouais. C'est vrai que j'ai fait une chronique complète sur le Père Noël dans les jeux vidéo. C'est ça. Mais ça, j'ai juste un petit jeu ici à vous parler pour le lapin de Pâques dans les jeux vidéo. Mais peu importe, mon lapin préféré va toujours rester Bugs Bunny. ouais, Roger Rabbit. Oh oui, aussi. À vous. Ouais. Oh, faut que je réécoute ce film-là. C'est très bon. Il est sur Netflix, ça. Oh! Ouais. Ah, c'est bien, ça. Ben oui. Mais en fait, je me trouve le DVD, j'aimerais ça l'avoir. Ah. J'ai tellement écouté ça quand j'étais jeune, ce film-là. Ça m'amusait. Ouais. Surtout la scène au début avec le bébé. Là. Oui, c'est la meilleure. Est-ce que c'est vraiment sur la trame sonore de Yoshi's Story ce qu'il joue là? Je ne sais pas. J'ai jamais progressé assez dans le jeu pour me rendre jusqu'au bout. Yoshi. Ben, il vient de dire Yoshi. Pense donc, j'imagine. C'est douteux comme choix de musique. Un peu? Oui. Mais il faudrait que je finisse ce jeu-là. Qu'est-ce de l'avoir acheté? Hey, t'as vu que sur Nintendo, sur la Wii U, ils vont sortir des jeux de Nintendo 64, enfin? Ah, ouais? Ouais. Mario 64 va dessus. Donkey Kong 64 s'en vient sur la console virtuelle de la Wii U. Hey, c'est bien, ça! Je m'étais acheté une Nintendo 64 juste pour jouer à Donkey Kong Country. Donkey Kong 64, excuse-moi. Ouais, ben, bon choix parce que c'est beaucoup d'heures, beaucoup de plaisir. C'est ça. Je suis pas très avancé dans le jeu. Non, mais moi non plus. OK, mais j'ai trouvé ça excellent. Juste le premier niveau, donc c'est sûr que je vais le terminer. Exact. Ouais, c'est dans le même style que Banjo-Kazooie, Banjo-Tooie, et c'est dans mes jeux préférés. Ouais. Rare, ils sont géniaux. C'est les meilleurs. Ouais. Même s'ils sont rendus à faire des jeux de sport un peu plates sur la Xbox. Ouais, ben là, mettons Rare de l'époque. C'est ça. Ouais, vrai, c'est ça, on s'entend. Hey, mais c'est déjà tout pour... C'est rapide. C'était quickie pas mal. Non, non, inquiète pas, j'ai une autre partie. T'as une autre partie? Ben oui, je voulais pas m'arrêter avec 10 minutes seulement. OK. J'ai un autre petit quelque chose. OK, mais on écoute une petite chanson puis on revient après. C'est ça qu'est-ce qu'on fait? Ben, on continue? Ben, je peux y aller tout de suite. OK, c'est parfait. Pour toi. OK, mais moi, je vais écouter un petit peu le rap de Yoshi, mais deux secondes. On revient après. Ah, oh, vas-y. Ouais, ouais. Tellement bon. Ouais, la chanson s'appelle Yo-Yo Yoshi. T'sais. On n'est pas très surpris. C'est original. C'est sur la trame sonore de Yoshi's Story. Toujours avec Samuel Girard, c'est toujours la chronique sur les jeux rétro. Oui, donc partie 2. Oui, deuxième partie. Je voulais faire un lien. Donc là, on est parti des œufs de Pâques, beaucoup. Et là, je me suis dit, donc, les œufs, ça vient de la poule, un animal de la ferme. La vache aussi est un animal de la ferme. J'ai marre de la vache story. Fait du lait. Avec le lait, on peut faire du fromage. Donc, je vous parle de fromage. C'est haut! Hey, je l'ai travaillé, celle-là. Bravo. Je suis admiratif devant... Wow! Ça faisait longtemps que je voulais la faire, mais c'est une chronique très courte et je me suis dit, bon, ben, si j'ai si peu de choses pour Pâques, ouais. C'est le temps de venir insérer cela pour faire une chronique de 20 minutes. Combinaison, gagnant. Exactement. Voilà. Alors, c'est le jeu Perfect Dark, au Nintendo 64, que tu dois connaître très bien. Je le connais correctement. Ben, bien, ouais. OK. Donc, c'est ça. Il y a quelque chose de caché dans le jeu et je trouve ça excellent. Dans chaque niveau, il y a un morceau de fromage suisse. Ah! Mais oui. C'est un bon choix parce que c'est mon fromage préféré. Ouais, j'aime beaucoup le fromage suisse. On apprend plein de choses dans le Mathieu Plante Show. Un livre ouvert sur Mathieu Plante. Pas un livre intéressant, mais un livre ouvert pareil. Tu sais comment? Il est ouvert. Je le lirai pas parce que clairement, il ne m'attire pas. Mais il est là. Mais c'est ça. Donc, si tu veux lire au moins les deux pages que tu as devant toi, tu peux le faire. Exact. Donc, c'est ça. Donc, je vais vous dire où est-ce qu'on trouve chacun des morceaux de fromage dans chacun des niveaux. Cool! Donc, ça peut intéresser les gens. C'est quand même drôle. Enfin, je me suis amusé à faire ça à un moment donné parce que quand j'étais jeune, j'en ai trouvé un ou deux. OK. Avant de savoir qu'il y en avait un par niveau. Donc, c'est drôle à faire. Mais si, mettons, tu veux tricher pour les trouver, est-ce que t'as des Cheetos codes? Des cheat codes avec Cheetos comme des fromages? Oh non! Oh, non, t'as non, pas fait ça. Non. Est-ce qu'on l'enlève au montage, là? Il fait dur, là. Ben, pas tant, parce que dans Banjo-Kazooie, ouais. le livre qui nous donne des codes pour cheater, si je me trompe pas, c'est ça, Cheetos, son nom? Ben, je sais pas, mais ça a l'air drôle. Mais le livre a un nom comme ça, donc t'es pas si dans le champ que ça. Là. Bon, mettons que tu me donnes un point. Ouais, c'est ça. Mais tu es capable de pendant que je vais commencer à énumérer les fromages, trouve-moi le nom du livre de cheat dans Banjo-Kazooie. C'est un personnage. Parfait, c'est trop ça. Donc, je vais commencer le premier niveau dans Datadyne Central Defection. Donc, première pièce, il y a un petit ordinateur. Tout à droite, il y a un silo. Vous faites exploser le silo, ça va ouvrir un espace pour passer. Okay. Vous descendez à l'intérieur, vous arrivez dans une pièce miteuse. Et si vous regardez par la fenêtre, eh bien, juste sur le bord, il y a le beau morceau de fromage qui est juste là. Pendant que je te montre Cheeto dans Banjo-Kazooie. Ah, c'est Cheeto. Cheeto. OK, c'est ça. J'avais juste un S de trop. Ça reste très drôle. Mais c'est ça. Donc, moi, j'ai juste fait le lien avec ça, donc je trouvais ça drôle. Génial. Datadyne Research Investigation, donc dans le corridor où il y a tous les laboratoires, le dernier au fond à gauche, vous entrez à l'intérieur. Il y a une autre porte au fond pour un autre laboratoire, vous y entrez. Et là, vous allez au centre de tous les ordinateurs, vous regardez par terre, il y a une grille et il y a le fromage à l'intérieur. Ah, c'est quasiment aussi compliqué à trouver que les bureaux de la fromagerie EQTA. Fromagerie. Ils sont faciles aujourd'hui, là. Prochain coup, je faisais un autre sujet. Les blagues de fromage, ça va faire. Ouais, il va devoir. Ah oui, c'est sûr, ouais. Sûr. Donc, Datadyne Central Extraction, c'est pareil parce qu'on fait le même niveau que le premier, mais à l'envers. Il y en a qui chialent là-dessus que dans Perfect Dark, on refait des fois deux fois les mêmes niveaux. Mais je dis, mais non, c'est logique. T'entres dans une base secrète pour aller chercher quelque chose, ben c'est normal que la mission d'après, ce soit de quitter la base. C'est vrai. C'est juste plus réaliste. Exact. On est habitué à sauter des étapes dans les jeux vidéo. C'est ça. T'arrives au bout, puis la mission est terminée, t'es rendu dans une autre place. OK, mais c'est parce qu'il faut encore sortir. Là. Il doit y avoir d'autres gardes, puis des places. C'est ça. Ouais, c'est comme dans 24 heures chrono, tu sais. Bon, tu vois pas aller faire pipi, mettons. T'sais. Ouais, tu peux pas faire un café. Tu sautes des étapes. Mais tu pourrais le voir faire son café. Ouais, exactement. C'est ça. Il pourrait pousser jusque-là. C'est brossé. Une chance qu'ils le font pas. Non, je suis bien content. C'est ça. Donc, ensuite, Carrington Villa Hostage 1 dans le cellier. Donc, la belle cave à vin qu'il y a au sous-sol où on peut détruire tous les vins qui s'y trouvent. Donc, c'est ça. Le troisième étagère avant la fin. Si vous regardez au-dessus, il y a un petit morceau de fromage juste là. Ouais, il est facile à manquer. Il y a juste une petite pointe qui dépasse, là, mais ça, c'est pas grave. Ensuite, Chicago Stealth, c'est le plus populaire parce que c'est le plus difficile à trouver. La raison est simple. Donc, si vous allez à côté de la limousine, il y a une porte, vous entrez. Et ensuite, vous descendez, la porte va être verrouillée. Mais si vous êtes chanceux, il y a un garde qui peut faut soit faire du bruit en tirant sur le mur ou ça prend un... faut arriver pile à telle seconde pour qu'il y ait un garde qui passe. En tout cas, c'est compliqué, mais la porte, elle peut s'ouvrir. Okay. Et là, c'est un grand salon où il y a plein de gardes. Je sais même pas pourquoi que Rare a mis du temps à faire ça, sachant qu'on n'a même pas accès, qu'il n'y a même pas de mission qui se fait là. Attention aux détails de Rare et légendaire. Ouais, c'est ça. Et là, dans cette pièce-là, à un moment donné, il y a un corridor où vous entrez là-dedans, vous arrivez dans une salle de bain, une toilette publique. Okay. Et là, il y a plein de toilettes et d'urinoirs. Et dans une des toilettes, il y a le fromage dans le fond. À ne pas manger celui-là. ensuite, G5 Building Reconnaissance. Dans la pièce de la mission 1, donc c'est le premier ordinateur qu'il faut aller éteindre, il y a une grille de ventilation à gauche. Si vous regardez à travers la grille, il y a le morceau de fromage à l'intérieur. Ensuite, le niveau Area 51 Infiltration. En fait, les trois Area 51 se passent à la même place, donc le fromage est tout le temps à la même place. Il est dans une grille de ventilation. Donc, on a un grand hangar où il y a plein de gardes qui s'atteint pour les... on est trois fois dans cette zone-là. Donc, les parties 2 et 3, on a accès à ça. Le premier, il faut utiliser le Farsight. C'est une arme qui permet de voir à travers les murs. Oh, cool. Donc là, on peut l'atteindre, le fromage, en regardant à travers un mur précis. On va le voir dans la grille de ventilation. Donc, évidemment, pour les autres, ben là, vous pouvez rentrer dans la grille d'aération. Et rendu juste avant de tomber, ben vous regardez au loin, vous allez voir au bout le fromage. Mmh. Il est là. Airbase, espionnage. Tout de suite, on a commencé un niveau. Vous traversez la grotte. Quand vous arrivez de l'autre côté, vous regardez en bas. Il y a un lac qui est là. Et si vous regardez dans le lac, et ben vous allez trouver le fromage quelque part. Il est difficile à voir. C'est littéralement une grotte de fromage. Exact. Oui, dit, oui, oui. D'en haut, c'est la grosseur d'une grotte. Toute petite. ensuite, dans Air Force One, anti-terrorisme. Donc, si vous descendez le plus bas niveau de l'avion, donc quasiment à l'endroit où on met les bagages, vous allez juste à côté de l'endroit où il y a la capsule d'échappement et il y a une tank, une espèce de tank à eau chaude, une tank à gaz qui est là. Et juste à côté, il y a le morceau de fromage qui est bien caché entre la tank et un tuyau. Hmm. Ensuite, Crash Site Confrontation, donc après que Air Force One se soit écrasé. Écrasé. Vous allez à l'endroit où l'avion se trouve, en débris. Et dans une... Débris, en passant sur le fromage. Hey, t'as été vite là-dessus. Pas pire, là. Donc, c'est ça, entre deux parois minces où vous n'avez pas accès, vous regardez et au bout, vous allez voir le fromage qui s'y trouve. Ils ont vraiment de l'imagination, c'est incroyable. Carrington Institute, Defense. Dès le départ, vous prenez la porte à droite qui mène au petit balcon. Et là, si vous regardez au-dessus de la porte, le fromage est là. Mm-hmm. Ensuite, Attack Ship, Covert Assault. Juste avant, vous allez dans la pièce où les aliens viennent pour vous aider. Et là, il y a deux ascenseurs pour monter. Donc, quand vous êtes face aux deux ascenseurs, vous allez vers la porte qui est à droite. Donc, c'est juste un hangar où des ennemis apparaissent. Et là, vous regardez le plancher transparent. Et à travers, vous allez voir le fromage qui est là. Ouais. Et le dernier niveau, Skedar Runes, Battle Shrine. Skedar Runes. Ah. Je comprends même pas pourquoi. Moi, j'y pense pas. C'est, pas, hein, c'est mon cerveau, c'est pas de ma faute. Ben, c'est bon, tu y penses. J'ai un problème. Oh non, mais non. C'est pas un problème. Non. Okay. Ça peut être un handicap dans certaines discussions, mais pas là. Merci de l'accepter. Donc, c'est ça. Donc, juste avant la partie où vous faites exploser un mur pour rentrer à l'intérieur des ruines, il y a un autre chemin qui mène carrément dans un cul-de-sac. Et bien, quand vous arrivez au bout, il y a une fissure dans le mur. Si vous regardez à travers la fissure, faut que vous soyez vraiment dans la langue précise, mais le fromage est au bout de là. Dans la ficello, t'as dit? Non, non, c'est ça. On a parlé beaucoup de ficello ce matin à Assemblage Requis. Je sais pas pourquoi j'ai ça dans la tête. Ouais, ben, c'est pas grave. C'est des choses qui arrivent. Ouais. On a toute une discussion sur les ficello à un moment donné dans notre vie. Exact. Ouais. Ensuite, il y a 4 niveaux bonus. Donc, Mr. Blonde's Revenge. Ça tombe bien parce que les fromages sont jaunes. Non. Donc, c'est ça. Ça se passe dans Dotodyne Central. Donc, il est à la même place que le premier que j'ai dit. Man SOS se passe dans Area 51. Il est à la même place lui aussi. War se passe dans Skedar Runes. Même place encore. Et le duel à la fin, eh ben, il se passe dans Carrington Institute. Donc, vous l'avez encore aussi à la même place au-dessus de la porte qui mène au balcon. C'est donc... fond duel. Comment c'est ça? Fondue au fromage. Fondue. Non. Incroyable. Donc, Perfect Dark, s'il y en a qui veulent s'amuser. Là, je serais curieux de savoir, j'ai oublié de vérifier cette information-là, mais est-ce que dans le jeu a été refait pour le Xbox? Donc, ils pouvaient se télécharger en ligne. Et avec les fameux achievements qu'on a au Xbox... Achievements? Donc, c'est ça. Est-ce qu'ils ont rajouté quelque chose pour que quand on en voit un, ça débloque un des accomplissements du jeu? Parce qu'on peut pas les prendre, on peut pas les manger, on peut rien faire. C'est juste les regarder. C'est ça. Ouais, c'est ça. Je sais que les fromages sont encore dans la version sur Xbox, c'est ce que ça me dit, mais la page est tellement détaillée que je sais pas s'il y a des bonus ou quelque chose à... Je vais taper achievements, voir cheese achievements. Hey, ça peut te donner tellement n'importe quoi. On va voir ça. Ouais, je viens de réaliser que j'ai sauté deux niveaux sans m'en rendre compte. Okay, j'ai oublié les écrire sur ma feuille. Donc, Pelagic 2, qui est un quai. Dès le départ, la première place où vous avez l'alarme, vous avancez un petit peu plus loin avec l'alarme et vous regardez dans la grille du plancher, vous allez l'avoir. Et ensuite, quand vous allez au fond de l'eau, dans la base, le premier corridor que vous avez, qui est vitré, vous regardez à votre gauche, il va y avoir de l'eau. Si vous regardez en bas, dans l'eau, il va en avoir un là aussi. Donc, c'est deux. Pourquoi ils sont même pas sur ma feuille? Ben voyons. J'ai tenté un peu trop vite et j'ai sauté deux niveaux sans m'en rendre compte. Ça arrive. Ouais, c'est des choses qui arrivent. Je trouve pas l'information sur Xbox 360. C'est pas grave. Plus longtemps. C'est pas grave. Quelqu'un va me le dire un jour. Ouais, en passant, au Xbox, on peut. Il y a quelque chose qui a été fait pour ça. Donc, en fait, ça devait être une quête secondaire du jeu. Mais finalement, ça l'a été. Ils ont arrêté avant la fin, mais les fromages étaient déjà positionnés. Donc, ça a donné beaucoup d'heures de plaisir pour les joueurs qui se demandaient c'était quoi au début. Ah. Alors voilà, c'est ce qui complète pour moi. Donc, j'aurais parlé de coco et de fromage aujourd'hui. C'est magnifique. Faut que je te remercie parce que sinon, je serais vraiment un animateur ingratiné. Oh non! Fais-moi penser de partir avec ton dîner pour avoir rendu récit. Samuel Girard, c'était très divertissant, très différent d'habitude, mais ça reste amusant. Je voulais faire le coup plus humoristique aujourd'hui et je pense que l'objectif a été atteint, surtout avec ta contribution pour tes excellents jeux de mots. Je suis là pour ça. Ouais, je suis vraiment fan de ça. Ça n'a rien d'autre que ça, ben ça. Mais non! Ah, c'est merci. Qui fait l'autre heure et demie de l'émission? Ouais, c'est ça. Un autre animateur plus sérieux, je pense. Ouais. T'as un double? Ben, je fais pas qu'il en gag le reste de l'émission, c'est ce qui est pas. Ah, ben là. Faudrait que j'en fasse. On vient de tomber dans un moment de suspense incroyable. En écoutant la trame sonore de Perfect Dark, on n'a pas vraiment le choix de plus sérieux. Donc, on te retrouve pour une dernière fois dans la session hivernale. Exactement. Dans deux oui, donc ça va être une dernière chronique. Je vais essayer de vous amener quelque chose de différent. Donc, je t'apprécie de penser à mon affaire, mais ça sera pas comme d'habitude. Parce que c'est pas la dernière chronique à vie, fait que tu peux pas faire une chronique sur genre les monstres de fin de jeu. C'est pas la dernière chronique, c'est juste la dernière de la saison. Ouais, c'est ça. C'est ouais. Non, hey, j'ai pas fini. J'ai encore plein de choses à raconter sur les jeux vidéo. Puis jamais on va te permettre d'arrêter ça sans nous avertir au moins une année à l'avance. Ouais, c'est ça. Pas plus de deux semaines d'avis. Bref, Samuel Girard, on te retrouve à Génie en Liberté les jeudis matins à 9h30, pardon. Oui, exact. Et de quoi tu nous parles cette semaine? Cette semaine, on va parler des coupeurs des livres dans les écoles. OK. On n'achète plus de livres pour nos jeunes. Non. C'est triste. Mmh. Donc, c'est ça. Donc, évidemment, on va parler beaucoup de coupeurs budgétaires, mais on va peser le pour et le contre parce qu'il ne faut pas couper n'importe où. Non. Donc, évidemment, j'ai sorti aussi beaucoup de chiffres sur des sujets très d'actualité. Donc, évidemment, on a les chiffres d'un côté, mais c'est quoi les chiffres de l'autre bord? Qu'est-ce que les gens disent? Donc, ça va être beaucoup de ça cette semaine. Donc, évidemment, il me manque encore peut-être la confirmation d'un invité. Donc, okay. J'ai encore une zone grise dans l'émission. Mais peu importe ce qui se passe, ça va être rempli d'informations puis plein de débats intéressants. C'est certain. Génie en Liberté avec toi, Stéphanie, ta co-animatrice, les jeudis à 9h30. Et on te remercie. À dans deux semaines. Ben, fait plaisir. Alors, bonne fin d'émission. Merci. On se quitte avec la trame sonore de Perfect Dark. Et on revient avec Television. changement. Vous êtes dans la zone 89.1. C'était une pièce qui s'appelle Detadyne Central Extraction sur la trame sonore de Perfect Dark au Nintendo 64, jeu de Rareware. Vous êtes au Mathieu Plante Show, l'émission où on parle de choses geek, oui oui, de choses qui moi m'intéressent. Donc voici pour débuter Television Television. Television, Television, la chronique dans laquelle on parle de télévision depuis les 7 derniers jours au Québec, au Canada, partout dans le monde, aux États-Unis, ouais. Commençons avec le Canada, parce qu'au Québec, il ne se passe pas grand-chose d'intéressant que vous n'avez pas déjà entendu parler. Au Canada anglais, donc, une porno inspirée peut-être un peu du cas de Gian Gomeshi chez CBC. Dana Vespoli qui jure que son film pornographique Fluid 3 n'est pas une parodie du scandale de Gian Gomeshi, mais elle ne peut pas nier l'influence des allégations contre cet animateur de radio de la CBC, c'est ce qu'elle a dit à Vice News. Le film contient entre autres une scène où le personnage de Xavier Conrad, une personnalité de la télé qui est tombée de haut, accepte de donner une entrevue à une jeune journaliste qui vient de terminer l'école. On s'entend que ça ressemble pas mal à l'histoire de Gian Gomeshi, mais avec de la télé ou de la radio, même si Gian Gomeshi fait de la télé aussi, là. Et donc, une partie de la scène montre Conrad en train de chuchoter à un petit toutou de singe. Il lui chuchote « Tu ne peux pas avoir ça, tu ne regarderas pas ça. » Ce qui est bien sûr une allusion à Big Ears Teddy, le petit toutou de Gilgamesh dans l'histoire. D'autres parties du film montrent la journaliste attachée, nue. Et Conrad utilise une corde et une ceinture pour abuser d'elle. Bref, les détails, je ne suis pas obligé de tous vous les dire, mais la réalisatrice dit qu'elle a été inspirée après un acteur, Sovereign Sire, qui joue la journaliste, qui admettait avoir été excité par certaines facettes du scandale de Gilgamesh. Un petit peu tordu tout ça. Dans le film, évidemment, tout est consensuel. Les personnages utilisent des safe words, donc des mots pour arrêter l'activité si jamais quelque chose tourne mal. Vous pouvez aller voir l'article au complet sur assemblagerequipe.com. Il n'y a sûr pas d'extrait dans l'article. Hein? Et on rappelle le cas de Gilgamesh à la fin de l'article. Pour ceux que ça intéresse, je suis un petit peu tanné d'en parler. Ensuite, on va aux États-Unis. C'est le Muppet Show qui redémarrera sur ABC après 19 ans d'inactivité. Le co-créateur de Big Bang Theory est en charge du redémarrage. Comme on dit dans la chanson thème, il est temps de jouer de la musique, il est temps d'allumer les lumières, il est temps de déclarer officiellement 2015 l'année du grand retour de The Muppet Show. Le réseau travaille présentement au redémarrage de la franchise qui devrait revenir en ondes plus tard cette année. Le réseau a commandé une présentation pilote mettant en vedette les Muppets selon Entertainment Weekly. Les détails de l'intrigue sont gardés secrets, mais Bill Prady, co-créateur de The Big Bang Theory, est co-auteur et producteur délégué, alors que Bob Cushell de Anger Management, l'émission avec Charlie Sheen, servira de showrunner, qui est le terme qu'on utilise en anglais, et en français, il n'y a pas vraiment d'équivalent. Bill Prady a une longue histoire d'écriture pour les Muppets, incluant The Jim Henson Hour, Muppet Classic Theater et un certain nombre de spéciaux Muppets. La version originale de The Muppet Show a été diffusée de 76 à 81. En 96, ils étaient revenus sur ABC pour 10 épisodes sous le nom de Muppets Tonight, qui n'a pas été un grand succès. Les Muppets, à l'émission Good Morning America, étaient là le 27 octobre 2012. Vous pouvez aller voir une petite vidéo sur assemblagerequis.com. Maintenant, Showtime espère sauver le nouveau Twin Peaks malgré le départ de David Lynch. Le réseau Showtime espère faire revivre la série Twin Peaks malgré l'annonce du départ de son co-créateur. Showtime a affirmé qu'elle est attristée par l'annonce de Lynch, mais elle espère encore réussir à ressusciter Twin Peaks avec les deux créateurs, donc Mark Frost étant l'autre. La recréation de cette série diffusée de 90 à 91 à la chaîne ABC au réseau. ABC a été annoncée par Showtime l'automne dernier. On en parlait ici dans Television. Lynch et Frost devaient écrire les nouveaux épisodes et David Lynch devait également les réaliser. Or, ce dernier a annoncé sur Twitter qu'après 16 mois de négociations, le réseau n'avait toujours pas approuvé un budget qu'il considérait suffisant. Je cite, après un an et quatre mois de négociations, je suis parti parce qu'on ne me donnait pas assez d'argent pour réaliser le script comme je le voulais. Évidemment, des trucs d'effets spéciaux, j'imagine, là-dedans. Showtime a répondu qu'il croyait que les négociations sur les quelques points restants avaient progressé, donc eux croient qu'il y a encore de l'espoir alors que David Lynch a dit qu'il quittait le projet. Parlant de gens qui quittent, Nina Dobrev qui quitte la série Journal d'une vampire, The Vampire Diaries, l'interprète d'Elena Gilbert, présente depuis les débuts de la série, a annoncé sur Instagram qu'elle en avait fini avec le Journal d'un vampire. L'actrice Nina Dobrev ne réendossera pas le costume d'Elena Gilbert dans la prochaine saison de The Vampire Diaries. Selon Deadline, la jeune femme a décidé de mettre un terme au contrat qui la liait à la chaîne CW depuis maintenant 6 ans. Nina Dobrev a en outre annoncé son départ sur Instagram, indiquant qu'elle avait toujours voulu que son personnage ne fasse pas plus de 6 saisons. Et évidemment, la productrice et scénariste du journal de vampire a dit « Elle nous manquera ». On connaît Nina Dobrev, entre autres, pour Degrassi. Un fan de « How I Met Your Mother », comment je l'ai rencontré, a finalement réussi à comprendre le salaire que fait Barney Stinson dans l'émission et c'est assez ridicule. C'est un article qui est sorti sur BuzzFeed. C'est en faisant son travail de tous les jours, un gars de finance qui a réussi à calculer ça. Donc, il y a beaucoup d'argent, Barney, dans « How I Met Your Mother ». Il mérite 16 fois le salaire qu'il dépense sur ses habits. On apprenait dans l'épisode On Pause ce fait-là. Donc, le Redditor Sir Zeph a tout calculé basé sur les habits que Barney a l'air d'avoir. Donc, dans l'épisode 19 de la saison 9, Vesuvirus, Barney montre à Ted deux pièces remplies d'habits. Donc, de ce que l'on montre, il y a 7 racks de 15 habits dans une pièce. Si on imagine que la deuxième pièce a aussi 7 racks de 15 habits, Barney aurait 210 habits. Dans Game Night saison 1, épisode 15, on dit que Barney porte des habits depuis 98, ce qui se traduit dans une période de 15 ans jusqu'à son mariage. Donc, on pourrait conclure que Barney achète 14 habits par année en moyenne. Dans Cupcake saison 1, épisode 16, Barney amène Marshall chez son costumier pour lui faire un habit qui valait 4 000 $, ce que Marshall apprend plus tard dans l'épisode. Bref, on peut calculer donc que Barney dépense 56 000 $ américains sur des habits par année approximativement. Inclus dans les calculs, c'est le fait que Barney donne 4 racks d'habits dans l'épisode False Positive. Il y a un habit vert super fancy pour Saint-Patrick, donc dans No Tomorrow. Et il dort dans un habit spécial, un suit pyjama dans The Front Porch. Plus des douzaines d'autres habits qu'il mentionne à travers la série. Donc le calcul final au complet, c'est 210 plus 60 plus 1 plus 2 plus 2 égale 275 habits. 275 fois 15 égale 18 333 par année. 4 000 $ fois 18 333 donne 73 000 $ et plus par année. 73 332 fois 16 égale 1 173 312. Donc Barney fait, parce qu'on a su que c'était 16 fois le prix de ses habits, 1 173 312 $ par année. C'est le calcul qu'on donne. Évidemment, il y a des changements de prix, l'inflation, les prix qui montent, qui descendent, c'est une moyenne. Donc, c'est ce qu'on nous dit dans cet article de BuzzFeed. Dans le même genre, on a compris aussi combien d'argent Joey doit à Chandler dans Entre Amis Friends. Il y a plusieurs facettes de Friends qui ne sont pas super réalistes. Par exemple, comment ils réussissent à payer leurs appartements quand ils n'ont pas d'emploi pendant un bout de temps. On essaie d'expliquer en série qu'il y a du rent control parce que la personne avait été une personne âgée et son appartement était rent control. Donc, ça ne pouvait pas augmenter de plus qu'un certain montant, quelque chose comme ça. On essaie d'expliquer, mais ça reste un petit peu vague. Bref. On sait que Joey doit beaucoup d'argent à Chandler. Dans l'épisode de la saison 8, The One Where Chandler Is Late, Joey pardonne Chandler de s'être endormi pendant son film après avoir calculé combien d'argent Chandler avait payé pour sa part du loyer à Joey. Ses cours pour devenir acteur, c'est son danse, ses photos, la télé câblée, etc. Donc, dans le subreddit They Did The Math, un Redditor demandait, posait la question, combien est-ce que Joey devait à Chandler? Et on a accepté le défi. On dit qu'il y a deux ensembles de photos de sa face à Joey, chacune à 500 $, donc ça fait 1 000 $. Si on imagine les leçons d'acteur, les leçons de danse, les leçons de voice coach, ça fait 1 000 $ en moyenne. Donc ça, on est rendu à 4 000 $. Ensuite, 3 ans d'appartement, d'utilité, le chauffage, etc., et la nourriture. Il vit dans un appartement de Manhattan, dans le Village, avec 2 pièces, une salle de bain, sur les niveaux plus élevés du bloc, dans un quartier très très cher. Donc environ 5 000 $ par mois selon Zillow.com. Hein? Quand même, ça c'est s'ils ont eu un bon marché, voilà, donc ils ont fait un deal. Là on parle de convertir évidemment en argent de 97 à l'argent d'aujourd'hui. 5 000 $, c'est environ 3 500 $. Non, attends un petit peu. Exactement. Le loyer était supposé être séparé en deux. Ensuite 3 ans de Chandler qui payait les 1 250 $. Ça devient compliqué, là. Mais en gros, on est rendu à 51 760 $, environ 50 000 $. Et ensuite, il faudrait calculer la nourriture aussi. Ça nous amène à un total de 108 760 $. Je vous épargne les détails, mais ça reste super intéressant comme article. C'est sur BuzzFeed via Reddit, ou le contraire, sur Reddit via BuzzFeed. Ensuite, on s'en va au Royaume-Uni, où c'est la fin pour Downton Abbey. Le télédiffuseur britannique ITV et le producteur Carnival Films ont confirmé que la 6e saison de la série d'époque Downton Abbey sera la dernière. Cette série, créée et écrite par Julian Fellowes, a fait ses débuts sur ITV en 2010 et a gagné de nombreux prix et est diffusée dans plus de 250 territoires. Il y avait eu des doutes quant au futur de l'émission, coproduite par PBS aux États-Unis. On aurait cru qu'elle pourrait être de retour après la 5e saison, alors que Fellowes admettait qu'il ne savait pas si la série allait continuer. La 5e saison, qui s'est conclue il y a quelques semaines, a été regardée en moyenne par 10,4 millions de personnes sur la chaîne ITV. Selon ITV, Downton Abbey est la série dramatique la plus regardée au Royaume-Uni cette dernière décennie sur toutes les chaînes, avec une moyenne de 11 millions de téléspectateurs au cours de la 5e saison, y compris l'épisode de Noël. Downton Abbey est l'émission britannique la plus nominée dans l'histoire des Emmy, avec 51 nominations à ce jour, comprenant 11 victoires pour Outstanding Writing for a Miniseries or a Movie, donc écriture pour une mini-série ou un film, Outstanding Directing for a Miniseries, donc réalisation, et c'est à peu près ça. La 6e et dernière saison de Downton Abbey débutera en novembre et va se conclure avec un spécial de Noël en décembre. Des épisodes de Doctor Who à télécharger légalement maintenant. La plateforme de partage légal, BitTorrent Bundles. Vous avez bien compris ma phrase, même si j'ai dit à peu près tout croche, mais BitTorrent, d'habitude, c'est associé au mot illégal. Et là, c'est la plateforme légale BitTorrent Bundles qui propose un lot inédit d'épisodes de Doctor Who à télécharger. Deux alternatives sont offertes, l'une gratuite comprenant une seule histoire et l'autre à 15 $, englobant une dizaine d'épisodes et divers bonus. Le tout grâce à un partenariat inédit entre la BBC et BitTorrent pour célébrer le 10e anniversaire du retour de la série sur les écrans. Véritable phénomène, la série Doctor Who est diffusée depuis plus de 50 ans à la télévision britannique, malgré une coupure entre 89 et 2005. Elle se caractérise également par le changement régulier de casting concernant le personnage principal du Docteur, qui est actuellement interprété par Peter Capaldi. L'ensemble A Decade of the Doctor a téléchargé comprend une série d'épisodes clés en version originale non sous-titrée. et ses 10 dernières années, de ses 10 dernières années, pardon, accompagné de vidéos d'introduction ou de bonus. Voilà, de nombreux artistes, on nous dit en fait l'article, tels que Madonna, Lady Gaga ou d'autres, ont mis du contenu gratuit à destination des internautes via BitTorrent Bundles. Donc, c'est pas un nouveau concept, mais nouveau pour des émissions de télé comme Doctor Who, qu'on pourrait apprécier, nous, en tant que geeks. On passe du Royaume-Uni à Internet, comme vous avez vu par le précédent article. En fait, celui-là était comme un entre-deux parce que c'était et britannique et Internet. Netflix commande une nouvelle série, Montauk. Le groupe de diffusion de vidéos sur Internet, est-ce qu'on a vraiment besoin encore de les présenter? Netflix a annoncé qu'il avait commandé une nouvelle série, Montauk, du nom d'une station balnéaire de Long Island, proche de New York. Les 8 épisodes d'une heure chacun seront diffusés en 2016 en exclusivité dans tous les pays où est présent Netflix. La série se situe en 1980 à Montauk. Un jeune garçon disparaît mystérieusement pendant que ses amis, sa famille et sa famille cherchent à comprendre ce qui lui est arrivé. Il se retrouve embarqué dans une intrigue mêlant des expérimentations secrètes du gouvernement, des forces surnaturelles terrifiantes et une petite fille étrange. Netflix a bousculé le monde de la production audiovisuelle avec House of Cards, entre autres, et Orange is the New Black. Donc, évidemment, ça suit dans la même lignée après Marco Polo et plein d'autres. Justement, toujours au sujet de Netflix, qui a fait filmer la troisième saison de House of Cards en 6K. Oui, 6K, pas 4K, 6K. Donc, Netflix qui supporte le streaming en 4K sur son contenu original et il pense déjà au futur. Selon The Hollywood Reporter, la saison 3 de House of Cards a été filmée et finie même, donc le mastering en 6K. Même si on ne stream qu'en 4K, pour l'instant, il faut une connexion de fou raide. Netflix a même fait faire les effets spéciaux de la série en 6K. Donc, c'est très, très rare en ce moment à la télé. Étant donné la grosseur des fichiers associés avec cette haute résolution, c'est beaucoup plus difficile à gérer sur leur serveur. The Hollywood Reporter qui dit que même les films qui sont finis en 4K font souvent faire leurs effets spéciaux en 2K pour rendre les choses plus simples. 4K qui est 4 fois le 1080p. Donc, 2K, c'est... c'est deux fois. Deux fois deux cas. Hein? Donc, les copies maîtresses de House of Cards que Netflix a reçues sont apparemment seulement en 4K, mais Netflix fait faire emmagasiner, conserver les maîtresses 6K comme archives, laissant la porte ouverte plus tard quand on sera dans quelques années et que le 6K sera répandu, on pourra les utiliser. Présentement, c'est les maîtresses de 6K, les Masters, on dit 5,5 téraoctets par épisode. Vous connaissez les téraoctets, hein? C'est beaucoup ça. Comparé à 2,5 téraoctets pour l'épisode en 4K. Le reporter dit que la place pour mettre ces fichiers-là, c'est souvent la raison pour laquelle les productions à haute résolution coûtent plus cher. Ça veut pas nécessairement dire qu'on va voir House of Cards en 6K. Le marché des télés de 4K est encore à ses débuts. Mais évidemment, on dit ça, ça veut pas dire que ça va, c'est sûr, s'il existe, ça va sortir éventuellement. Ça n'a pas le choix. On reprend les bandes maîtresses des sitcoms des années 90 pour les refaire en HD, pour les sortir sur Blu-ray, pour les stations de télé. Donc c'est sûr que si ça existe, on va l'utiliser un jour. Reste juste à voir quand ça va arriver. Mais je trouve ça vraiment fascinant qu'on pense autant au futur. J'aime ça qu'on pense au passé et qu'on pense au passé et j'aime ça qu'on pense au futur. Les deux sont aussi importants, plus que le présent. Fuck le présent. Maintenant, on parle de code d'écoute pour la semaine du 9 au 15 février 2015, toujours avec un énorme délai. Donc, commençons par le top du Québécois. Position 15 à 6 en rafale, La Voix, La Poule d'Or, Mémoire Vive, Vlog, Les Enfants de la Télé, Haut La Voix, Au Secours de Béatrice, Lors et Comptes et 19-2. En 5e, Yamaska, c'est 4e, LOL. 3e, Les Beaux Malaises, 2e, Unité 9 et on remplace évidemment La Voix avec 2 893 000. Du côté du Canada anglais, 15 à 6 en rafale, mais un peu moins vite parce que ça se dit moins bien. Agent Carter, Gotham, Hawaii 5-0, Arrow, Blue Blood, CSI, Castle, The Flash, NCIS, New Orleans et Hockey Night in Canada. Ça se dit pas si pire finalement. En 5e, Criminal Minds, en 4e, CSI, 3e, The Big Bang Theory, 2e, NCIS et première place, c'est Saturday Night Live avec 2 679 000. Je suis en train de regarder ça. La spéciale du 40e anniversaire. Ça fait pas comme 3 semaines que je fais le même palmarès sans m'en rendre compte? Je pense que oui. Parce que depuis Ouais, l'article a été posté le 23 mars, donc le 30 mars, on a fait... ça fait 3 semaines. Il me semblait aussi que c'était Tom Maffaire. Ça me dérange, je ne vais pas m'être rendu compte de ça avant. Donc, tvqc.com qui a décidé d'arrêter de mettre le palmarès à jour. Désolé, c'est mon erreur apparemment. Voilà pour Television, les liens sont sur assemblagerequis.com. Tantôt, on va faire Merci Science, mais pour l'instant, on retourne en chiptune, on s'en va entendre. Garvel, Sharp, Crystals on the Frozen Lake, tout de suite au 89 FM, c'est le Mathieu Plante Show. découverte. Centauri et The Apotheosis of Dr. Wellington, précédé de Wave Surfing Dude par Zach Marsa. Et on a débuté avec Sharp Crystals of the Frozen Lake par Garvalf. C'est toujours le Mathieu Plante Show et maintenant voici Merci Science. Merci Science, c'est la chronique dans laquelle on remercie la science d'exister. Bien sûr, qu'est-ce qu'on serait sur la science? Et on débute avec quelque chose d'étrange un peu, c'est manger trop gras qui favoriserait les troubles psychiatriques. Les régimes riches en graisse pourraient augmenter le risque de désordres psychiatriques. En effet, ils modifient la composition de la flore intestinale qui joue aussi un rôle dans la santé du cerveau. La flore intestinale ou microbiote intestinale compte à peu près 100 000 milliards de bactéries, correspondant à environ 1000 espèces. Ces micro-organismes participent à différentes fonctions biologiques, la digestion, la croissance, l'inflammation, l'immunité, la protection contre les pathogènes. Or, des modifications de la flore intestinale semblent impliquées dans certaines maladies, y compris des problèmes neuropsychiatriques. Par exemple, des probiotiques pris oralement censés agir sur la composition de la flore intestinale peuvent diminuer l'anxiété. De plus, la prévalence des maladies mentales comme la dépression et la démence augmente avec l'obésité. Des études ont montré des déficits dans l'apprentissage, la mémoire, la fonction exécutive chez les personnes obèses par rapport à des patients non obèses. Les régimes modernes riches en graisse et sucre favorisent des altérations dans le microbiome intestinal. Des chercheurs de l'Université de l'État de Louisiane ont donc voulu savoir si le microbiome lié à l'obésité modifiait le comportement et la cognition, même en l'absence d'obésité chez l'individu. Pour ce faire, ils ont utilisé des souris adultes non obèses qui suivaient un régime normal, mais à qui ils ont transplanté la microbiote intestinale. C'est le microbiote, hein, je veux dire comme faut éventuellement, de souris qui avaient été nourries avec un régime riche en graisse au régime témoin. Les résultats paraissent dans Biological Psychiatry. Les animaux qui ont reçu le microbiote de souris et nourris au gras ont eu des changements dans leur comportement et une augmentation de l'anxiété, des problèmes de mémoire et des comportements répétitifs. Il y avait aussi des effets négatifs sur leur santé, une augmentation de la perméabilité intestinale et de marqueurs de l'inflammation ainsi que des signes d'inflammation du cerveau qui pourraient avoir contribué au changement de comportement. Cet article suggère donc que les régimes riches en graisse altèrent la santé du cerveau. Des changements induits par l'alimentation dans la flore intestinale suffisent à détériorer la fonction cérébrale en l'absence d'obésité. La composition du microbiote intestinal influence donc les comportements de l'individu. Le métabolisme microbien de l'intestin produit de l'histamine et d'autres médiateurs neuroactifs qui pourraient stimuler le système nerveux local. L'axe intestin-cerveau est donc une cible potentielle pour imaginer de nouvelles interventions thérapeutiques contre des maladies psychiatriques. Le café maintenant, hein? on parlait de gras, de bacon, là on parle de café dont les effets ont longtemps été controversés et le plus souvent inoffensif pour la santé pourrait avoir des effets protecteurs contre les maladies cardiovasculaires, Alzheimer, Parkinson ou le diabète, même s'il est décaféiné. Ce sont les conclusions de nombreuses études publiées dans le monde ces dernières années. En février, un comité d'experts indépendants du gouvernement américain qui fait des recommandations tous les 5 ans pour le guide diététique aux États-Unis a conclu que la plupart du temps, le café n'était pas néfaste pour la santé. C'est une première. Je cite, « Nous avons examiné toutes les études et rien n'indique des effets nocifs du café sur la santé avec une consommation modérée de 3 à 5 tasses par jour ou 500 mg au plus de caféine. » Ça, c'est une professeure de nutrition à l'université Tufts à Boston, un des membres de ce comité qui dit ça. En fait, nous avons constaté une réduction du risque de maladies cardiovasculaires, de Parkinson, de diabète et de certains cancers, de la prostate et du sein. Les résultats sont solides et c'est une bonne nouvelle pour les buveurs de café. Tom Brennan, professeur de nutrition et de chimie à l'Université Cornell à New York, également membre de cette commission d'experts, insiste pour ne pas trop exagérer les bienfaits du café, car le mécanisme d'action reste indéterminé. Je cite, « Ce serait une mauvaise idée de dire au public que le café peut guérir le cancer. » Ce que la commission a constaté, en analysant les nombreuses études passées, c'est que boire quotidiennement de 3 à 5 tasses de café n'a aucune conséquence négative sur la santé de la population générale. Cette boisson semble même avoir certains effets protecteurs. En revanche, les femmes enceintes devraient peut-être se limiter à 200 mg de caféine par jour, par précaution, soit 2 tasses. Mais on ajoute que rien dans toutes ces études n'indique que le café est lié à des naissances prématurées. Donc, il faudrait également faire davantage de recherches sur les effets des boissons caféinées populaires chez les adolescents et les jeunes adultes pour déterminer les niveaux de toxicité de la caféine. On souligne aussi que le risque de consommer des calories supplémentaires, surtout aux États-Unis, où souvent on ajoute de la crème et du sucre dans le café. Ces deux scientifiques s'accordent à dire que les bienfaits du café, dont les grains contiennent plus de 1000 molécules différentes, vont au-delà de la caféine et pourraient bien s'expliquer par les antioxydants, comme les polyphénols, également présents dans le vin rouge et le cacao. Ça pourrait expliquer les résultats d'une étude récente menée avec 25 000 hommes et femmes en Corée du Sud, indiquant que ceux qui boivent de 3 à 5 tasses de café par jour ont des artères plus propres, avec moins de plaques de cholestérol responsables des maladies cardiovasculaires. En revanche, les effets préventifs du café contre la maladie de Parkinson, déjà observés dans une étude en 2000, indiquent clairement le rôle de la caféine dont l'action sur certains récepteurs du cerveau est bien connue. Des études ont également révélé un lien entre le café et une moindre incidence de la maladie d'Alzheimer ou de la sclérose en plaques. Des travaux de chercheurs de l'Université Harvard en 2011 montraient une réduction de 20% du risque de dépression chez les femmes buvant au moins 4 tasses par jour de café décaféiné. Une vaste étude parue en 2006 portant sur 90 000 femmes aux États-Unis indiquait une réduction relative du risque de devenir diabétique en buvant de 2 à 3 tasses de café par jour, qu'il soit décaféiné ou non. Enfin, une recherche des Instituts américains de la santé effectuée sur 400 000 hommes et femmes de 50 à 71 ans aux États-Unis montre une réduction de 10% de la mortalité de toute cause, sauf du cancer, chez ceux buvant plusieurs tasses de café par jour. Colin, moi, j'ai juste besoin de me faire dire ça pour en boire plus. Hein. Je suis tellement influençable. Certains produits, on reste dans la bouffe. Certains produits, c'est bizarre comme thème. Comme le brocoli, les poissons gras et les myrtilles sont connus pour avoir un effet bénéfique sur la vision, en particulier pour limiter les conséquences du vieillissement. Une étude publiée par un ophtalmologiste de l'Université Loyola de Chicago aux États-Unis donne une liste de nutriments à privilégier. On m'avait dit que tous les mots finissaient par « gueux » en français, ophtalmologue, mais ça, c'est une exception, l'exception qui confirme ophtalmologiste. Bon. Je retiendrai pas cette règle-là, finalement. Plusieurs nutriments sont essentiels à la bonne santé de nos yeux et certains peuvent même améliorer la vue et prévenir des maladies comme la cataracte et la dégénérescence maculaire. Le docteur en ophtalmologie James McDonald du Loyola University Health System a détaillé dans une étude « What to eat for good eye health » leurs bienfaits et les aliments concernés. Donc voici les éléments nutritifs à privilégier. Les oméga-3, Ces acides gras contenus dans certains poissons, comme le thon, la sardine et l'huile de colza notamment, protègent de la sécheresse oculaire et du vieillissement. L'astaxanthine, ce pigment qui est un puissant antioxydant qui contribue à retarder la cataracte et la cécité. On le trouve en grande quantité dans les algues sauvages plutôt que d'élevage et le saumon. La zéaxanthine, ce nutriment présent dans les légumes verts comme le brocoli, le chou kale ou les épinards, est bénéfique dans la lutte contre la dégénérescence maculaire liée à l'âge. La vitamine D, en s'exposant de façon modérée au soleil et en ciblant les huiles de poisson, le foie et les jaunes d'œufs, on renforce notre apport en vitamine D. Et selon le chercheur, celle-ci contribue à réduire l'inflammation de la rétine et à améliorer la vision. Les bioflavonoïdes, les antioxydants appartenant à la famille des polyphénols, peuvent diminuer le risque des cataractes et de dégénérescence. Pour en bénéficier, il faut privilégier les agrumes et les cerises, de même que le vin, avec modération, et le thé. Et finalement, le bêta-carotène, contenu dans les carottes, les patates douces et les courges, cette provitamine aide à protéger les yeux de la sécheresse et à améliorer la vision dans la pénombre. Et si je me souviens bien, myrtille, c'est un bleuet, pour ceux qui cherchaient. Et finalement, une armure liquide pourrait-elle bientôt exister? Les scientifiques d'une société polonaise, donc de Pologne, produisant des systèmes d'armure, testent actuellement un modèle rempli d'un liquide non newtonien qui arrêterait les balles, selon Reuters. Un liquide non newtonien, toujours difficile à dire, c'est un liquide dont la viscosité peut varier en fonction de la contrainte, donc la force mécanique qu'on lui applique, ou du temps pendant lequel est appliquée cette contrainte-là. C'est pas le cas de l'eau, par exemple, donc qui est un liquide newtonien, parce que non newtonien, ça peut varier en fonction de la contrainte force mécanique. Voilà. Donc, les scientifiques travaillant sur cette armure de nouveau genre utilisent un liquide appelé Shear Thickening Fluid, STF, liquide d'épaississement sous cisaillement fluide. Celui-ci durcit lors de l'impact dû à l'augmentation de la température lors de l'arrivée d'une balle à grande vitesse, par exemple. Selon le chercheur polonais Marcin Strusis, la capacité d'arrêt de ce liquide offrirait un niveau de sécurité plus élevé qu'un gilet pare-balles traditionnel en Kevlar. Il explique en effet que la structure d'un gilet pare-balles traditionnel peut se déformer jusqu'à 4 cm vers l'arrière, ce qui peut entraîner des traumatismes graves comme la fracture du sternum, un infarctus, blessure mortelle à la rate. Avec le liquide STF, je cite, « Nous avons réduit la déformation de 4 à 1 cm », c'est ce qu'assure M. Marcin, ce qui augmenterait grandement la sécurité de l'utilisateur. Vous pouvez en savoir plus sur assemblagerequis.com. Voilà pour Merci Science. Merci Science. Tantôt, on sera rendu au segment Geek CNX avec des nouvelles sur la technologie, l'informatique et les jeux vidéo. Mais avant ça, on retourne en musique. Chiptune, voici My Explosion et YOLO the Cat. MPS, le Mathieu Plante Show sur C'est Fou. Là, comme toujours, tout coupe, toujours. Toutes les chansons du monde de Chiptune coupent à la fin. YOLO the Cat par My Explosion, ça vient d'une petite opéra rock au sujet d'un chat nommé YOLO. C'est toutes les étapes de sa vie, dont son overdose de cocaïne. Hein? YOLO the Cat par My Explosion. Toujours Mathieu Plancho, maintenant c'est le segment Geek Cynix. Stop. tech.com. Cédric, c'est la chronique de technologie, d'informatique et de jeux vidéo. Débutons avec des ordinateurs qui seront bientôt capables de transmettre la personnalité humaine. Nous n'en sommes qu'au balbutiement des progrès technologiques et les ordinateurs pourraient bientôt être capables de transmettre la complexité humaine. C'est ce que prédit un éminent informaticien. Sébastien Thrun, qui a notamment fondé le laboratoire Google X, où le géant d'Internet a développé ses lunettes connectées Google Glass ou encore ses voitures sans conducteur, a indiqué que ça, si cela paraît aujourd'hui inimaginable, nous n'en sommes pas aussi loin que ce que les gens pensent. Tout comme les ordinateurs transmettent des données informatiques, ils pourraient bientôt transmettre la complexité et la personnalité humaine, a-t-il ajouté en marge d'un opéra. Peut-être l'opéra sur YOLO de 4, hein? À l'université de Stanford, en Californie, qui avait pour personnage central l'informaticien Doug Engelbart, pionnier d'Internet. Oui. Je pense que nous avons effleuré la surface de toutes ces technologies. Presque tout ce qui est intéressant n'a pas encore été inventé. Nous avons qu'effleuré. J'ai bien peut-être dit mal ma phrase. Peut-être pourrons-nous atteindre le point où nous serons capables de faire passer nos expériences personnelles par un ordinateur ou peut-être même notre personnalité. Peut-être qu'un jour, nous aurons la démonstration d'un ordinateur qui serait Sébastien, avec des plus entre, estimé l'informaticien allemand. Celui-ci avait déjà prédit par le passé plusieurs inventions telles que les voitures volantes ou les ordinateurs qu'on pourrait implanter dans le corps humain. Mais Jaron Lanier, un pionnier de la réalité virtuelle dont les ouvrages sur la philosophie des ordinateurs font référence, doute qu'on puisse un jour partager informatiquement sa personnalité. Il a depuis mis en garde contre les progrès technologiquement susceptibles d'accroître des inégalités. Justement, j'avais un article quelque part là-dessus sur la vie du pionnier d'Internet Doug Engelbart sur scène. Internet est-il un outil de développement pour les êtres humains ou un instrument de contrôle social? L'université de Stanford ravive le débat en portant sur scène un opéra avec pour personnage central l'informaticien Doug Engelbart, pionnier d'Internet. The Demo, opéra expérimental, retrace en fait la mère de toutes les démonstrations, un événement historique qui remonte à 1968. Doug Engelbart et son équipe avaient alors déroulé près de 65 km de câblage pour partager une présentation à une conférence à San Francisco par le biais d'un ordinateur. Cette démonstration de 90 minutes, au cours de laquelle l'informaticien avait partagé à distance une liste de courses préparées par sa femme, a jeté les bases d'Internet du concept de vidéoconférence, du copier-coller et a marqué la création de la souris informatique. À une époque où les ordinateurs n'étaient que des machines à compiler des 1 et des 0, Doug Engelbart, décédé en 2013, a ouvert la voie à d'autres informaticiens géniaux comme Steve Jobs ou encore Bill Gates. Dans cet opéra expérimental, Michael Rouse joue lui-même le rôle de Doug Engelbart. Il chante accompagné de musique électronique avec en fond des images projetées sur le décor. L'autre compositeur, Ben Neal, interprète le rôle de l'assistant d'Engelbart, William English. The Demo opère également quelques flashbacks et revient sur la Seconde Guerre mondiale au cours de laquelle Doug Engelbart avait travaillé comme technicien de radar. À la fin du conflit, il avait passé une année aux Philippines où son destin avait été changé par la lecture d'un article consacré au projet américain de créer des ordinateurs. La toute nouvelle salle de concert de Stanford, le Bing Concert Hall, et ses plus de 800 sièges, favorise de telles œuvres expérimentales de par la disposition du public autour de la scène. Ces installations permettent à la célèbre université située aux portes de la Silicon Valley de porter une attention toute particulière au domaine des arts de la scène. On reste dans l'évolution technologique avec une batterie à l'aluminium qui recharge le téléphone en une minute. Aux États-Unis, des chercheurs de l'Université de Stanford ont mis au point un prototype de batterie à base d'aluminium, à la fois peu onéreuse, endurante et se rechargeant en un temps court. Ces concepteurs pensent qu'elle pourrait à terme remplacer les piles alcalines et les batteries lithium-ion. Maintenant, il reste qu'à la perfectionner. Actuellement, les travaux sur les batteries lithium-ion se séparent en deux axes de recherche. Le premier consiste à améliorer les performances de la technologie existante, à l'instar de Satki 3, qui travaille sur des batteries lithium-ion deux fois plus endurantes. Le second axe tente de trouver un substitut au lithium qui soit aussi efficace, voire davantage, plus écologique et moins onéreux. C'est la voie choisie par une équipe de scientifiques de l'Université de Stanford, amenée par le professeur Angie Dai. Les chercheurs ont développé une batterie aluminium-ion très prometteuse. Je cite, « Nous avons développé une batterie aluminium rechargeable qui peut remplacer des produits de stockage tels que les piles alcalines qui sont nuisibles pour l'environnement ou les batteries lithium-ion qui peuvent parfois prendre feu. » L'aluminium constitue une alternative valable au lithium car il est peu inflammable, offre une capacité de stockage de charge élevée et un faible coût. Cependant, les chercheurs butent sur une limite, le maintien des performances au fil des cycles de charge. Actuellement, les prototypes de batteries aluminium tiennent une centaine de charges avant que leur capacité ne commence à décroître. Celle que les chercheurs de Stanford ont développée peut supporter 7500 cycles sans perdre d'efficacité. Leur batterie se compose d'une anode en aluminium et d'une cathode en graphite associée à un électrolyte liquide, le tout inséré dans une poche souple en polymère. L'équipe dit avoir découvert de façon accidentelle qu'une cathode à base de graphite pouvait solutionner ce problème d'endurance. peux aller voir le reste de l'article qui est comme trois fois plus long que ça sur assemblagerequis.com. Utiliser le clavier de l'ordinateur pour détecter la maladie de Parkinson à son stade le plus précoce pourrait être prévisible, pas prévisible, c'est tout possible selon une étude réalisée par le MIT. Un groupe de chercheurs du Massachusetts Institute of Technology vient de publier une étude dans laquelle il explique les possibilités de détecter la maladie de Parkinson d'une façon plutôt inattendue, à savoir à l'aide d'un clavier d'ordinateur. À l'aide d'un algorithme développé par des scientifiques espagnols et américains, il serait ainsi possible de révéler des schémas spécifiques dans la manière dont les utilisateurs tapent sur leur clavier. La première étape de l'expérience consiste à comparer la manière dont la fatigue altère les frappes sur le clavier en opposant des frappes réalisées en journée, alors que le patient est parfaitement éveillé et celles réalisées durant la nuit alors qu'il est privé de sommeil. Je cite les résultats préliminaires d'une étude menée sur 2 douzaines de patients parkinsoniens, suggère que l'algorithme des chercheurs peut aider à identifier les gens qui ont la maladie et ceux qui ne l'ont pas. L'équipe est en train de planifier une étude plus vaste sur les patients atteints de Parkinson. L'algorithme concentre principalement son attention sur la durée de pression des touches, révélatrice selon les chercheurs, des habiletés motrices de la personne. Un malade avec des facultés motrices affaiblies aurait en effet tendance à appuyer plus longtemps sur les touches de son clavier sans que ce constat puisse se faire à l'œil nu lorsque la maladie de Parkinson n'en est qu'à ses débuts. L'algorithme peut s'installer facilement sur un ordinateur sous la forme d'un plugin pour navigateur web. Les scientifiques travaillent également sur des applications pour téléphone intelligent. Cette démarche pourrait véritablement aider à dépister plus tôt une maladie généralement diagnostiquée tardivement, parfois 5 à 10 ans après le début de son évolution sur le patient. Mais l'utilisation de cette méthode de dépistage pourrait aller au-delà de Parkinson. Je cite, ça pourrait aider à détecter n'importe quelle maladie produisant une déficience motrice, qu'elle concerne les mains, les muscles ou le cerveau. On reste dans le Parkinson. Contre les troubles de l'écriture des maladies de Parkinson, des étudiants ont inventé le parfait stylo. Les troubles de l'écriture sont souvent l'un des symptômes qui amènent une personne atteinte de la maladie de Parkinson à consulter pour la première fois. Dès le début de la maladie, les Parkinsoniens peuvent être atteints de micrographie. L'écriture devient plus petite, difficilement lisible et les tremblements rendent cette activité quotidienne pénible. Des étudiants britanniques du Royal College of Art et de l'Imperial College London ont inventé un outil qui pourrait permettre aux patients atteints de troubles moteurs de recommencer à écrire normalement. C'est un stylo vibrant. Derrière ce stylo nommé ARC et repéré par les gens du Journal du Geek, on retrouve 4 jeunes ingénieurs et designers. Comme l'explique leur vidéo dans l'article sur assemblagerequis.com, les vibrations produites par le moteur du stylo stimulent les muscles des mains et aident le malade à mieux contrôler son écriture. Les lettres deviennent plus grosses, le tracé plus régulier, l'ensemble plus lisible. 93% des participants au premier test ont réussi à avoir une écriture plus grosse, annoncent les concepteurs de ARC, donc une vraie victoire sur la micrographie. Après l'élaboration d'un prototype, l'équipe de Dopa Solutions a confectionné un modèle plus ergonomique et présentable. Les jeunes inventeurs cherchent encore des participants pour leurs tests et des distributeurs pour passer à la prochaine étape. Pour le futur, ils s'interrogent également sur l'intégration de générateurs de vibrations dans d'autres objets du quotidien. Donc, on pourrait même imaginer un dispositif dans une souris d'ordinateur. Donc, un espoir pour les personnes atteintes de troubles moteurs. Il y a des nouvelles qui commencent à dater là-dedans. J'aurais aimé... En fait, je pourrais en parler, mais vous avez déjà tous entendu parler d'Amazon et ses boutons pour commander des produits. Évidemment, une façon de faire dépenser plus d'argent chez les gens, mais vous allez pouvoir commander du savon à vaisselle ou du café. Tiens, lisons un petit peu juste le début de l'article. Donc, Amazon qui a présenté une nouvelle option pour faciliter les commandes sur son site Internet. C'est des boutons dédiés pour chaque produit. Amazon multiplie les tentatives pour amincir les frontières entre sa plateforme en ligne et le foyer du consommateur. Donc, on essaie d'éliminer de la friction. C'est donc Amazon Dash, une télécommande connectée en Wi-Fi à une base, et ça permet de scanner le code barre des articles qu'on souhaite ajouter à son panier. Le concept est désormais décliné en plusieurs appareils dédiés avec le logo de la compagnie. Si le scan d'un code barre est encore trop compliqué pour ajouter un article à son panier, Amazon propose désormais aux Américains de presser simplement un bouton poussoir. La firme donc a signé avec plusieurs sociétés pour apposer leur marque sur de petits appareils connectés pourvus simplement d'un bouton. Du paquet de couches à la lessive en passant par les plats cuisinés, les sodas ou les rasoirs, chacun dispose de son boîtier de commandes. L'objectif est d'éparpiller dans le foyer ces mini télécommandes, par exemple dans la salle de bain. On pourrait les cacher aussi, on peut les cacher en dessous dans une armoire. Faut juste de voir le logo. Moi, c'est ce que je trouve encore plus cool. Je sais pas, mais il me semble que c'est ce que je ferais. Je les montrerai pas nécessairement partout. J'aurais un bouton dédié dans l'armoire pour des filtres Brita, par exemple, parce que Colin, que c'est compliqué de s'acheter des filtres Brita, faut que j'oublie tout le temps. Et ça rend mon eau tellement meilleure. Hein? Donc voilà, pour cette petite nouvelle-là que vous avez certainement vue, c'est le défaut d'avoir l'émission une fois par semaine. Évitez les arnaques, faites vos transactions chez la police, nous dit Craigslist. Les amateurs du site web de petites annonces Craigslist, un genre de Kijiji américain, peuvent effectuer leurs transactions à risque élevé dans le quartier général de la police de Vancouver. L'endossement de cette activité survient après qu'une centaine d'admirateurs du groupe Maroon 5, oui, il y a des fans de Maroon 5, incroyable, n'eurent pu profiter d'un spectacle à l'Arena Rogers en raison de billets contrefaits. Le constable Brian Montague, il s'appelle Montague, ça fait tellement Shakespeare, souligne que le quartier général n'est pas assez grand pour permettre le commerce de matelas ou de divans, mais que quiconque s'inquiète de la vente ou de l'achat d'un objet plus petit à risque élevé, comme des bijoux ou des billets de concert, peut-être une Apple Watch plus tard, est le bienvenu dans le hall d'entrée du bâtiment. Le site web Craigslist recommande toujours à ses utilisateurs de faire leurs affaires en public. Évidemment, il y a des Tim Hortons à chaque coin de rue. Il n'y a aucune raison de faire ça ailleurs que dans un café. Il n'y en a pas. Donc, c'est ça. La présence des policiers et de la vidéosurveillance, oui, pourrait dissuader les personnes ayant des intentions malhonnêtes. C'est bien clair. Parlant de gens malhonnêtes, un fraudeur anglais emprisonné en Grande-Bretagne a réussi à s'échapper de l'établissement sécurisé dans lequel il était enfermé en montant lui-même une escroquerie de type phishing. Neil Moore est un fraudeur de 28 ans dont la ruse lui a permis de s'évader de prison hautement sécurisée de Wandsworth à Londres, dans laquelle il purge une peine de prison pour une escroquerie de 1,8 million de livres sterling. À défaut de creuser dans sa cellule ou de limer les barreaux de la fenêtre, le détenu a opté pour une autre solution, écrire sa propre lettre de libération sous caution pour se faire libérer tout naturellement par la prison. Neil Moore n'a eu besoin que d'un téléphone récupéré illégalement et d'une connexion Internet par le biais du terminal. Il a commencé par enregistrer un nom de domaine imitant celui de la Cour de justice de Sa Majesté, en charge de l'administratif des prisons. Puis il a créé des adresses e-mail proches des vrais en remplaçant les points par des traits d'union pour envoyer un courriel exigeant sa libération sous caution le 10 mars dernier. La manœuvre de Neil Moore s'apparente à du phishing, c'est-à-dire une tentative d'escroquerie par courriel qui s'avère suffisamment crédible pour piéger les destinataires et les pousser à agir d'une manière qui leur est défavorable. Si on connaît principalement cette technique dans le cadre d'arnaques financières, le schéma reste similaire. Le Télégraphe, le journal de Telegraph, explique par ailleurs que si le prisonnier est arrivé à ses fins, c'est pas seulement grâce à son arnaque rondement menée. Il a été aidé par l'inattention des autorités pénitentiaires qui n'ont pas remarqué certaines incohérences, notamment le fait que le nom de la cour ait été renommé Southwark à la place de Southwark, avec un R dans le courriel. Incroyable. Et le prisonnier a réussi à se faire libérer, mais son évasion... a rapidement été découverte lorsque son avocat est venu le voir en prison et qu'il n'y était plus. Néanmoins, trois jours plus tard, Neil Moore s'est finalement rendu à la police, probablement conscient que sa cavale allait être compliquée. Il va être jugé le 20 avril prochain. Windows XP est toujours devant Windows 8.1 un an après la fin du support du soutien technique. Si la part de marché de Windows XP continue de baisser progressivement, celle de Windows 8.1 reste toujours en retrait. Le 8 avril 2014, Microsoft enterrait définitivement son système Windows XP, initialement sorti en octobre 2001. Malgré les 2001, Windows XP 2001, ça fait un méchant bout. Malgré les versions ultérieures de Windows sorties entre-temps, dont l'excellent Windows 7 à date, le système affichait encore 28% de part de marché. Près d'un tiers des ordinateurs de la planète disposaient d'un OS obsolète. Selon les derniers chiffres de Net Market Share, le taux d'adoption de Windows XP serait aujourd'hui de 16,94%, loin derrière Windows 7 à 58,04%, mais bel et bien devant Windows 8.1, aujourd'hui à 10,55%. Avec plus 9%, c'est donc Windows 7 qui a le plus progressé ces 12 derniers mois, avec Qu'est-ce que cette phrase-là voulait dire? Tout lui est dû à Windows 7, parce que pour vrai, c'est ce qui m'a fait avancer d'un Windows, parce que c'est pas Windows 8 qui m'aurait fait évoluer, parce que c'est trop mauvais! Windows 10 qui s'en vient plus tard cette année. Ça se pourrait que ça change la donne, on ne sait pas encore. Microsoft qui entend donc migrer un maximum d'utilisateurs. En Chine, la société a signé divers accords pour faciliter le processus de mise à jour et sensibiliser la population. Même les détenteurs actuels d'une copie illégale de Windows pourront, dans une certaine mesure, disposer de Windows 10. On en parlait dans les dernières semaines, ici même, dans CNX. On reste chez Microsoft qui veut embaucher des autistes. Le géant informatique américain Microsoft a lancé un programme pilote en vue d'embaucher des personnes autistes. Je cite, les personnes autistes apportent, je cite pas les personnes autistes, je cite Microsoft. Hein? Les personnes autistes apportent des forces dont nous avons besoin chez Microsoft, a expliqué la vice-présidente de Microsoft et elle-même mère d'un enfant autiste. C'est ce que ça prend souvent pour avoir une certaine conscience de ça, c'est quand tu as quelqu'un de proche qui est touché par la maladie. Chaque individu est différent. Je suis toujours en citation. Ici, certains ont une capacité incroyable à retenir des informations, réfléchissent à un niveau élevé de détail et de profondeur ou excelle en mathématiques ou en programmation informatique. Ça peut être les deux aussi. Donc, un réservoir de talent. Le programme pilote vise à recruter des autistes pour des emplois à temps plein à Redmond, au siège du groupe informatique. Il est réalisé en partenariat avec Specialistern, un réseau d'entreprises d'origine danoise, utilisant les caractéristiques des personnes autistes comme un avantage concurrentiel et les aidant à trouver un emploi, selon le site Internet. La majorité des salariés de Specialist Turner ont été diagnostiqués comme autistes à un stade ou à un autre et travaillent comme consultants pour des entreprises privées avec des tâches comme le test de logiciel, la programmation ou la validation de données. Specialist Turner aide déjà depuis l'année dernière un autre groupe informatique, le spécialiste allemand des logiciels professionnels SAP, à recruter des personnes autistes. Magnifique nouvelle. Le Geek Fest de Montréal qui se lance sur Kickstarter, événement voulant célébrer les geeks de tout acabit ou acabit. Geek Fest Montréal a démarré cette semaine sa campagne de sociofinancement sur Kickstarter. Donc les 7 et 8 novembre prochains au Collège Maisonneuve, l'édition 2015 du Geek Fest Montréal promet d'être le rendez-vous des passionnés de science-fiction, de technologie, de bande dessinée, de téléséries, de jeux vidéo et cinéma de tout genre, de ce genre en fait. Bref, tout ce qui peut se rattacher à la culture geek, nous dit branchez-vous.com. Initiative entièrement bénévole, le Festival Geek de Montréal tente ainsi d'amasser des fonds nécessaires à la réalisation de sa quatrième édition par le biais de Kickstarter. Le montant cible de la campagne est fixé à 7 500 $. En date de l'article, on était rendu... en fait, on s'en fout un petit peu à combien on était rendu. Je vais aller voir la page en tant que telle pour savoir en temps réel. On est rendu à 2000 sur 7 500 en date du 8 avril. Dans le plus pur... en fait, l'échéance est le 21 mai prochain. Dans le plus pur esprit collaboratif, il est aussi possible de contribuer à l'événement en proposant de se porter responsable de sa propre activité. Il suffit de remplir le formulaire de soumission disponible via assemblagerequis.com. Sinon, c'est geekfestmtl.com. Et de croiser les doigts pour que l'activité proposée soit retenue par les organisateurs du festival. Par conséquent, l'horaire de l'événement reste à déterminer. Parmi les invités cette année, le festival reçoit les webstars Julien Bernatché et Gab Jonka, les créateurs et acteurs des webséries LARP et Noob, la cosplayer Émilie La Liberté et les co-animateurs de la chaîne Le Jeu C'est Sérieux. Pour connaître les diverses récompenses offertes par la campagne de sociofinancement de GeekFest Montréal, vous pouvez aller voir la page Kickstarter qui est sur assemblagerequis.com. En jeux vidéo maintenant, on en parlait un petit peu dans la chronique de Samuel Girard précédemment dans l'émission. Les jeux de Nintendo 64 et Nintendo DS débarquent enfin sur la console virtuelle de la Wii U à partir du 16 avril. Mais quels seront les premiers jeux à voir le jour? Eh bien, 4 sont déjà listés pour le 16 avril. WarioWare Touched sur la Nintendo DS ainsi que Mario Kart DS. Alors que du côté de la Nintendo 64, c'est Super Mario 64 et Donkey Kong 64. Évidemment, Super Mario était déjà disponible sur la console virtuelle de la Wii tout court. Mais c'est son premier passage sur la Wii U. Selon les premiers jeux, donc... Oui. Sachez que vous allez pouvoir choisir votre mode de contrôle parmi les multiples disponibles sur Wii U et qu'il sera possible de choisir le format de jeu pour les titres DS grâce au Gamepad. Vous allez pouvoir disposer sur deux écrans tactiles en haut, en bas, écran séparé pour voir l'écran du haut sur la TV et l'écran du bas sur le Gamepad. Ils vont être vendus... dans le coin d'une dizaine de dollars. Sachez que si vous avez déjà acheté un jeu sur Wii, le candidat le plus probable donc serait Mario Kart 64, vous allez pouvoir faire le transfert sur Wii U moyennant quelques petits dollars. Dans le coin de 2-3, l'article est français, j'ai pas les données américaines ou nord-américaines, mais quand même, dans le coin du 2-3 dollars. C'est quand même bien. J'apprécie qu'on m'offre la possibilité parce que je l'avais en effet acheté sur la Wii. Des écoles d'une localité de Cheshire, en Angleterre, ont envoyé un courrier aux parents d'élèves pour leur annoncer que leur établissement se réservait le droit de les signaler aux autorités s'ils découvraient que leurs enfants avaient accès à des jeux vidéo interdits aux moins de 18 ans. Donc, ça se passe en Angleterre. Les parents des élèves des écoles de la localité de Nantwich, dans le Cheshire, ont eu la surprise de recevoir un courrier envoyé par un groupe d'écoles de la ville rassemblant 16 établissements. Dans ce dernier, une mise en garde vis-à-vis des jeux vidéo, et en particulier ceux interdits aux moins de 18 ans, que les parents laisseraient trop facilement d'accès à leurs trop jeunes enfants. La lettre met ainsi les parents en garde contre des jeux considérés comme trop violents et sexuellement explicites, susceptibles de laisser les jeunes enfants, je cite, vulnérables face à l'exploitation sexuelle et l'extrême violence. Plusieurs enfants ont déclaré jouer ou avoir regardé jouer des adultes à des jeux qui sont inappropriés pour leur âge et ont décrit le niveau de violence et de sexualité de ce qu'ils ont vu. On parle de Call of Duty, Grand Theft Auto, Gears of War et d'autres titres similaires qui ne sont pas appropriés pour les enfants, qui ne devraient pas y avoir accès, explique la lettre. Si votre enfant est autorisé à avoir un accès inapproprié à n'importe quel jeu ou contenu associé qui est destiné à des personnes âgées de 18 ans et plus, alors il nous est conseillé de contacter la police et les services sociaux pour dénoncer un comportement négligent. La lettre sonne comme une mise en garde et il n'est pas certain que les enseignants dénoncent effectivement les parents concernés, mais les autorités locales semblent ouvertes à une telle démarche. La lettre évoque par ailleurs les réseaux sociaux comme des sites potentiellement dangereux, WhatsApp et Facebook, sont notamment considérés comme des sites où la violence et la sexualité sont monnaie courante et peuvent encourager à des comportements sexuels précoces. Au Royaume-Uni, comment au Royaume-Uni, c'est la classification PEGI, contrairement à ici où on a le ESRB. Donc c'est le PEGI qui est utilisé pour évaluer l'âge recommandé pour les jeux vidéo. Un affichage assez clair avec des grands caractères et des couleurs fluorescentes pour le PEGI. Ensuite de ça, ben, je pense qu'on va s'arrêter là. Oui, on va s'arrêter là. On va aller voir ce qui se passe en club vidéo. Les jeux les plus loués. En 10e place, Borderlands The Handsome Collection sur Xbox One. En 9e, The Order 1886 qui est sur PlayStation 4. MLB The 15 The Show est sur PlayStation 4 en 8e. En 7e, c'est Grand Theft Auto 5 sur la PS4. En 6e, Borderlands Handsome Collection sur PS4. En 5e place, Mario Party 10 sur la Wii U. En 4e, Battlefield Hardline sur la PS4. Le jeu du même nom est en 3e sur la Xbox One. En 2e, c'est MLB 15 The Show sur PS4. En première, Bloodborne sur la PS4. Voilà pour le segment geek Cynix. On retourne en chiptune pour aller entendre Tuffy. Ça me donne faim, ça, Tuffy. Voici Beeper X MPS, le Mathieu Plante Show sur C'est Fou. We'll be right back. Deltron et Untitled One, c'était à ce top-là comme toujours. Avant ça, c'était Beeper X avec l'artiste Athery Tuffy. Maintenant, c'est le moment de notre série en concert pour deux semaines cette fois-ci. La prochaine aussi va être très très courte. J'ai choisi des courtes pour terminer la session. Alors, on écoute Groovy 20th Anniversary Tribute to Earthworm Jim, présenté par les amis de Game Music for All. Friends of Game Music for All, c'est le nom de leur petite association. Une collection de musique qui rend hommage à la série Earthworm Jim. On commence avec Illil. Voici It's Not a Problem Slow Dive Mix MPS. Le Mathieu Plante Show. to make a game about bird food in a big super suit. Well, I'm glad they did, cause it is fun. Blasting everything in sight with a red ray gun. Whipping foes like Indiana Jones, winning every space race against Psychro. Launching cows right in the air, will they ever come down? I really don't care. This is about saving the princess, but it's not Mario, so don't get perplexed. There ain't no mushrooms green or red, but there is Professor Monkey for a head. Take me down to New Junk City, where the skies are green, but no girls are near me. That's why I must beat the game. Earthworm Jim is the name. He's such a groovy guy, he rockets through the sky. We think he's mighty fine, a hero for all time. He's such a groovy guy, he rockets through the sky. We think he's mighty fine, a hero for all time. What the heck? Have I died? I'm battling an evil cat with 9 lives in a place that can only be described as hell, with fire and spikes and terrible yells. Now I'm going down the tubes. Guess the boss has flown the coop, cause all I see is a puny goldfish. Knock the bowl down, now over this. Make my way to level 5, where I'm in a lab oversized. Gotta beat the robotic chicken, then move on to the next mission. Only 3 more left to go. It's not a problem for this superhero. Eat dirt, I'm here to win. No villain is a match for Earthworm Jim. He's such a groovy guy, he rockets through the sky. We think he's mighty fine, a hero for all time. He's such a groovy guy, he rockets through the sky. We think he's mighty fine, a hero for all time. Groovy! Groovy! Groovy! Groovy! He stepped on the scene. On many ports remade in HD. Retro for critics, nostalgic for fans. In the gaming world, the legacy shall stand. Peter Puffy is the faithful sidekick. Pocket Rocket is the ship he rides with. A clay fighter and I'm about to cut. Heading to fight Queen Slug for a butt. Couple shots from the plasma blaster. A little bust, then there's nothing after. I can finally see my love. But then the big cow fell from above and squished her. Then she fell into lava. Now I can never be a father. I walk away with a frown, but at least in the end I can keep the crown. Yeah, he's such a groovy guy, he rockets through the sky. We think he's mighty fine, a hero for all time. He's such a groovy guy, he rockets through the sky. We think he's mighty fine, a hero for all time. C'était Mastermind et Hero for All Time. Qu'on avait entendu aussi en début de bloc la semaine passée. On avait 6 pièces en tout. Il avait débuté et terminé donc cette compilation. Groovy 20th Anniversary Tribute to Earthworm Jim par Game Music for All. Une collection de musique qui rend hommage à la série Earthworm Jim. Le but donc est de rendre hommage à ça. C'est sorti sur le Sega Genesis en 1994. Donc ça fait quand même longtemps. Ça fait quoi? Un petit peu plus de 20 ans. GameMusicForAll.com/Groovy pour plus d'informations. Et vous pouvez soutenir, donner de l'argent un petit peu à Game Music for All en passant par GameMusicForAll.com/Support. Il nous reste juste assez de temps dans cette émission. On n'a pas le temps pour une autre chronique, mais on a le temps pour une dernière pièce de chiptune. Donc voici Arc Demon Symphony No. 40. Pour Mathieu Blanchot. Thank you. C'était Drexigar et DSN 12 Pulse Wave, Return of the Spook Loop. Précédé de Symphony No. 40 par Arc Demon. Ceux qui se demandaient d'où ils connaissaient ça, non, c'est pas juste une pièce que vous avez entendue dans des jeux vidéo quelconques. C'est une symphonie de Mozart, sa symphonie numéro 40. Nous, c'est la fin du Mathieu Plante Show pour cette semaine. On se retrouve la semaine prochaine, toujours en direct, les mercredis de 13h à 15h. On rappelle les jeudis de 17h à 19h. Je vous retrouve aussi avec Stéphanie Paradis à Assemblage Requis ainsi qu'au Palmarès C'est Fou. Consultez la programmation complète sur cfou.ca et retrouvez les notes de l'émission et les balados diffusion sur assemblagerequis.com. De la part de toute l'équipe fictive du Mathieu Plante Show et Mathieu Plante, c'est de Mathieu Plante et vous avez été planté. Bye bye!